إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمن المقرب الثابت أن الله تبارك وتعالى أكمل لنا الدين ولم يقبض نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قام به الملة العوجاء وأوضح به السبيل حتى قال أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك لنا منه علما وقد كان هذا الأمر مقررا حتى عند المخالفين من أهل الكتاب كما في حديث سلمان لما جاء له حبر من أحبار اليهود وقال له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة يعني حتى كيفية قضاء الحاجة فأخبره سلمان بما علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكمل الله تبارك وتعالى الدين فلا نقص فيه ولا زيادة وأتم علينا به النعمة وأخبر الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وعلى لسان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمة أمة مرحومة وهي خير أمة أخرجت للناس وهي أمة خيار وسط وهي الأمة التي اصطفاها الله تبارك وتعالى فأرسل فيها نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله رب العالمين قد قضى وقدر أنه لا يصيب العبد من شيء يسوءه إلا بذنب يحدثه ولا يرفع عنه ما يسوءه إلا بتوبة فإذا أتى الإنسان بهذا الذنب فاستغفر الله تبارك وتعالى رفع عنه كربه وكشف عنه بلاءه فلا بلاء إلا بذنب ولا رفع للبلاء إلا بالتوبة والله رب العالمين جعل هذا واقعا على الأفراد كما أنه واقع على عموم الأمة فإذا تركت الأمة حظا ونصيبا مما ذكرت به من كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل الله تعالى بها من البلاء والعقوبة بقدر ما حادت به عن منهج دين ربها تبارك وتعالى وما تنكبت فيه صراط نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا عادت عاد الله تبارك وتعالى إليها ما سلب منها وإذا لجت زادها الله تبارك وتعالى مما عاقبها به حتى تعود إليه وقد أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم وأخبر به نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما أصاب من شيء فبما كسبت أيديكم وإذا تساءلتم فهو من عند أنفسكم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الأمة إذا تورطت في أمور من أمور الشر وفي مخالفات من مخالفات الدين فإن الله تبارك وتعالى يسلط عليها ظلا لا ينزعه حتى ترجع إلى دينه إلى دين الإسلام العظيم إلى ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس في كل مرة إذا وقعت واقعة ونزلت نازلة يبحثون عن مخرج ويتلمسون السبيل وكلها من الأمور التي تدل على فشلا في التشخيص لأن الله تبارك وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله وإذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تبارك وتعالى وكل ما يصيب الأمة إنما هو من الأدواء وكل داء له دواء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الجهل داء وهو أمر معنوي، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبيل الشفاء منه ممهودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فجعل العي وجعل الجهل داء ووصف له دواء وجعله سبيلا ممهودا للوصول لتحصيل الشفاء. إنما الشفاء من هذا الداء هو الإقبال على سؤال العلماء، وهو تحصيل العلم من أجل رفع الداء الذي هو الجهل. فما من أمر يصيب الأمة إلا وهو داء قد ألم بها، وما من داء إلا أنزل الله له دواء. وهذا الذل الذي يحيط بها، وهذا التكالب من أعدائها، وهذه الأمور التي تسوء أبناءها، وهذا التنازع والتخالف، وهذه الأمور كلها إنما هو أدواء منصوف لها الدواء، ولكن علمه من علمه وجهله من جهله. إن الله تبارك وتعالى يسلط في كل حين على قلب هذه الأمة أمور من أمور الخصف والذل تحيط بأرجائها، والناس حينئذ يتلددون ينفعلون حين ويتلمسون المخرج أحيانا، ولكن قل من يصيب دواء الداء بإذن الله رب العالمين. فإذا تكالبت شرذمة على محاولة هدم أولي القبلتين، إذا تكالبت شرذمة على المسجد الأقصى السليم من أجل أن تزينه، من أجل قدوم المسيح الدجال الذين ينتظرونه، والأمة كلها تتلدد متحسرة، ولكنها لا تتلمس الطريق السوي ولا تعرف الصراط المستقيم. فمن داع إلى خروج في مظاهرات، ومن داع إلى تكالب عن الحكومات والحكام، ومن داع إلى الغناء والموسيقى لأجل نصرة فلسطين، ومن داع إلى غير ذلك من تلك الأشياء. ولكن من ينبئ على أصل الداء؟ ومن يصف صحيح الدواء؟ والله رب العالمين قد أمرنا في كتابه العظيم أن ندخل في الإسلام كله، فإذا لم ندخل في الإسلام كله فقد هددنا الله تبارك وتعالى بتهديد بليغ: يا أيها الذين آمنوا. فناداهم الله رب العالمين بهذا الوصف الحبيب، فنادى المؤمنين بإيمانهم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم والسلم لغتان بمعنى، وهما قراءتان سبعيتان، وهما الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أي في الإسلام كله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فاعلموا أن الله عزيز حكيم من أشد ما يكون لهجة في الوعيد والتهديد. فاعلموا أن الله عزيز حكيم لا يغالب. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أي في الإسلام كله. وكثير من الناس لا يعرف الإسلام المدخول فيه أصلا، لا يعرف أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قل من عرف هذا وحققه ودعا إليه فصدقه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أي في الإسلام كله، في عقيدته وفي شريعته، ادخلوا في كل ما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن لم تفعلوا فقد زللتم، وإذا زللتم جاءكم الوعيد والتهديد، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قل من يشخص الداء حتى يستطيع أن يصف الدواء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل نبي أرسله الله رب العالمين، إنما أرسل في أمة فيها من الأدواء ما فيها، ولكن أعظم داء كان يحيط بأرجائها ويلم بقلوب أبنائها الشرك بالله رب العالمين، ولم يبدأوا بحرب شيء قبل هذا الداء العظيم. فصححوا العقيدة، فاستقامت أقدام الخلق على الصراط، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى توحيد ربه جل وعلا، وظل يدعو إلى ذلك في مكة 13 عاما. وما أنزل الله تبارك وتعالى ما أنزل من تفصيلات الشرائع إلا بعد إذ لما استقامت القلوب على توحيد الرب جل وعلا وعلى طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلابد من البدء مما بدأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قال إمام دار الهجرة لمن مالك رحمه الله: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وإنما أصلح أول هذه الأمة اليقين والاتباع، الإيمان الحق والاتباع الصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الدواء بعد أن شخص الداء: معصيتكم لربكم وأكبر ذلك وأعظم الشرك به. وهذا الأمر كثير من الناس لا يدرك أنه يقع في الأمة وقوعا ذريعا، بل كثير من أهل الضلال يدعون أن الأمة أمة موحدة ولا يمكن أن يلحق أحدا من أبنائها الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد وأرسى قواعده. فأما هذا فصواب لا مرية فيه ولا شك يعتريه. وأما أن الشرك يقع في الأمة فقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لم تقوم الساعة حتى تلحق فيام، أي جماعات من أمتي، بالمشركين ومن الأدواء التي تصيب الأمة. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الله عز وجل: وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا، تخالفوا وتدابروا وتنازعوا فذهبت ريحهم وتبدت قواهم، فتمكن منهم عدوهم، وما يستطيع أن يخلص إليه بشيء يسوءهم إلا إذا تفرقوا وتخالفوا وشقوا عصا الطاعة وخرجوا على أصول الجماعة التي هي السواد الأعظم للمسلمين، التي هي على منهاج النبوة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ولذلك لا بد من تحقيق التوحيد للعزيز المجيد، وهذا أمر لا يركز عليه ولا يلتفت إليه، وإذا تكلم فيه متكلم إلا من رحمه الله رب العالمين لم يزد على أن يدل على ما كان عليه أبو جهل وما كان عليه أبو لهب وما كان عليه الطغاة من معرفتهم بتوحيد الربوبية. وكثير من الناس لا يعلم علم أبي جهل بمعنى لا إله إلا الله. فأبو جهل كان يعلم أن معنى لا إله إلا الله أنه لا يعبد إلا الله، وأنه لا ينبغي أن يصرف لون من ألوان العبادات لغير الله رب العالمين. فتبا وسحقا لمن أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، وهو ينتسب إلى هذه الأمة، بل ربما يكون داعيا بزعمه إلى الله ومشخصا لداء الأمة وواصفا لدوائها. فإن الأمر صار جد عظيم، وصار كثير من الناس في واد، ودين الله رب العالمين الحق كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في واد آخر. نسأل الله رب العالمين أن يردنا والمسلمين أجمعين للحق ردا جميلا، وأن يقيمنا عليه إذ ردنا إليه حتى نلقى وجهه الكريم غير مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا محزونين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rapprochez-vous, بارك الله فيكم. Pour laisser de l'espace à ceux qui rentrent. جزاكم الله خير. Rapprochez-vous, بارك الله فيكم. Serviteur d'Allah, craignez Allah comme il se doit. Et sachez que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah, le Très-Haut. Et que la meilleure des guidées, c'est la guidée de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que les plus mauvaises choses sont toutes les choses qui sont inventées dans la religion complète d'Allah afin de se rapprocher d'Allah. Et tout ce qui est inventé dans la religion d'Allah afin de se rapprocher d'Allah, ceci s'appelle une innovation religieuse. Et toute innovation religieuse, toute, est un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Amen. Serviteur d'Allah, ce qui est clair, c'est qu'Allah le Très-Haut a parachevé cette religion de l'islam. Et il n'a pas ramené vers lui son envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'Allah le Très-Haut ait montré par le biais de son messager sallallahu alayhi wa sallam la voie droite à suivre aux peuples égarés. Jusqu'à ce que les compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disent « L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, mais il n'y a pas un oiseau qui bat de ses ailes dans les cieux, excepté qu'il nous a donné un savoir dessus. » Et ceci fut également attesté par ceux qui s'opposaient à la religion d'Allah. Parmi les gens du livre, tel que cela fut rapporté dans le hadith de Salman, qu'Allah soit satisfait de lui, quand un des rabbins des juifs vint voir Salman lui affirmant « Votre prophète vous a tout enseigné, également ce que vous devez faire lorsque vous êtes aux toilettes. » Puis Salman lui a informé des enseignements de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est étonnant, c'est que des mécréants ont attesté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a tout enseigné et tout transmis à sa communauté. Alors que de nos jours, des individus s'affiliant à l'islam osent inventer de nouveaux actes d'adoration non légiférés en pratiquant ces bédas, ces innovations religieuses, prétendant ainsi de par leurs actes que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas tout transmis et n'aurait pas tout enseigné à sa communauté de l'islam. Wal'iyadu billah. Craignez donc Allah comme il se doit. Et rappelez-vous la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et Allah le Très-Haut a informé dans le Coran, ainsi que sur la langue de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que cette communauté de l'islam est une communauté qui a reçu la miséricorde d'Allah et que c'est la meilleure communauté qui est apparue en tant qu'exemple pour les gens et que cette communauté est une communauté du juste milieu et c'est cette communauté qu'Allah a choisie pour y envoyer son dernier prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah le Très-Haut a prédestiné le fait que ce qui arrive à un des serviteurs, cela est dû à un péché que celui-ci commet. Mais Allah lui enlève le mal qui touche ce serviteur lorsque son serviteur revient vers Allah repentant. Donc une épreuve ou un mal arrive dû au péché des serviteurs. Et ce mal est enlevé par Allah lorsque ses serviteurs se repentent sincèrement et reviennent vers Allah le Très-Haut. Et ceci est également le cas pour la communauté musulmane en général. Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens et des versets que je vais citer, Inch'Allah, « Quand un malheur vous atteint, vous dites d'où vient cela, réponds-leur, il vient de vous-même. » Et dans un autre verset, « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. » Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé que lorsque la communauté musulmane se met à faire des choses qui sont en opposition avec la religion d'Allah ou en désobéissance à Allah le Très-Haut, Alors Allah inflige à cette communauté l'humiliation et des épreuves jusqu'à ce que cette communauté revienne vers l'islam authentique. Que cette communauté revienne sur quoi était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et si la communauté musulmane s'écarte de la voie droite en suivant des groupes et sectes égarés de l'innovation, en s'écartant des ordres d'Allah et en s'écartant de la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah le Très-Haut inflige à cette communauté des châtiments en fonction de l'éloignement de cette communauté du livre d'Allah et de la sunna de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais si cette communauté retourne à la vérité, à la droiture, alors Allah le Très-Haut lui rend ce qui a été retiré à cette communauté. Mais si cette communauté de l'islam refuse de se conformer aux deux révélations d'Allah le Très-Haut, que sont le Coran et la Sunna, alors Allah continuera de lui infliger des châtiments et des troubles dans cette vie d'ici-bas jusqu'à ce qu'elle revienne vers le droit chemin. Et à chaque fois qu'une chose arrive dans la communauté musulmane, les gens ne savent pas comment réagir, car ils ne connaissent pas le remède pour le problème ou le mal que cette communauté rencontre. En effet, ces problèmes, ces troubles, ces maux, ces châtiments sont des maladies. Et pour chaque maladie, Allah Azza wa Jal a fait descendre des remèdes. Tel que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'a pas fait descendre une maladie, excepté qu'il a fait descendre son remède. Celui qui a le savoir connaîtra le remède, tandis que l'ignorant l'ignorera. Mais aussi ce que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le remède atteint la maladie, il est guéri par la permission d'Allah le Très-Haut. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé que l'ignorance est une maladie. Puis il a montré le remède de cette maladie en disant sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ne questionnent-ils pas quand ils ne savent pas? Car la guérison de l'ignorant, c'est le fait de questionner. En effet, il suffit de retourner aux savants de la sunna et de les questionner afin d'être guéri de l'ignorance par la permission d'Allah Azza wa Jal. Toutes ces humiliations qui atteignent la communauté musulmane, tous ces maux et tous ces ennemis qui se regroupent autour d'elle, autour de cette communauté, en la pointant constamment du doigt et en la critiquant, la dénigrant, l'humiliant, la combattant constamment, tous ces différends et ces disputes au sein de la communauté, il y a un remède pour tout cela. Mais celui qui a le savoir connaîtra le remède, tandis que l'ignorant l'ignorera. Par exemple, lorsque les ennemis de l'islam tentent de démolir la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, les musulmans ne savent pas comment réagir. Certains appellent les gens à sortir manifester dans la rue. D'autres se rebellent et invitent les gens à se rebeller contre leur gouverneur. D'autres organisent des concerts de musique et de chant pour soi-disant soutenir la Palestine. Alors que tout ce que je viens de citer est strictement interdit en islam. Et cela fait partie des péchés à accumuler avec les autres péchés que commet cette communauté, dû au fait qu'elle tente de guérir un mal qui touche cette communauté par tous les moyens, excepté par le fait de revenir vers la religion d'Allah le Très-Haut. Qui va donc tenter de trouver le remède nécessaire pour espérer de voir ce mal s'enlever de la communauté, Inch'Allah? Sachez qu'Allah le Très-Haut nous a ordonné d'entrer complètement dans l'islam. Car si nous ne le faisons pas, Allah nous menace fortement de ce qui en résultera. Allah le Très-Haut dit dans la traduction du sens du verset, « Ô les croyants, entrez complètement dans l'islam et ne suivez pas les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Puis si vous faites de faux pas, vous bronchez après que les preuves vous soient parvenues, sachez alors qu'Allah est puissant et sage. » Sachez alors qu'Allah est puissant et sage. Voici cette énorme menace. Nul ne peut donc lui résister. Nul ne peut vaincre Allah Azza wa Jal. Et nul ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Ô les croyants, entrez complètement dans l'islam. Cependant, de nombreuses personnes ne savent pas dans quel islam elles doivent rentrer. Ces individus ne savent pas que l'islam consiste à la soumission d'Allah par le pur monothéisme, la sujétion en lui obéissant et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Peu sont ceux qui connaissent cela, l'appliquent et invitent les gens à cela. Ô les croyants, entrez complètement dans l'islam. dans toute sa croyance authentique, dans toute sa législation. Et si vous ne le faites pas, alors sachez que vous faites partie de ceux qui se détournent de la voie droite. Alors attendez-vous à des humiliations et des châtiments d'Allah Azza wa Jal. Sachez alors qu'Allah est puissant et sage. Peu nombreux sont ceux qui reconnaissent ou qui connaissent le remède pour un mal qui touche la communauté. Sachez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les prophètes et messagers qui l'ont précédé, ont été envoyés dans des communautés dans lesquelles il y avait beaucoup de maux, beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes et de troubles, dont la pire de toutes, c'est le polythéisme. Le fait d'associer à Allah quoi que ce soit. Tous ces prophètes et messagers d'Allah, que le salut d'Allah soit sur eux, ont tous commencé à lutter contre cette pire des maladies. Ils ont commencé par cela, hein, à lutter contre cette pire des maladies, qui est le polythéisme, le fait d'associer quoi que ce soit à Allah. En les invitant à n'adorer qu'Allah seul et à se désavouer de ce qui est adoré en dehors d'Allah. Voilà la voix de tous les prophètes et messagers. Voilà ce qu'ils ont commencé à combattre, le polythéisme dans la communauté. Parce que lorsqu'ils ont commencé à combattre cela, eh bien les gens seront éduqués sur une croyance saine, pure, prêt à accepter ce qu'Allah a révélé et prêt à obéir à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsqu'un individu désobéit à Allah ou fait des choses qui sont illicites, le remède de tous ces maux consiste au fait de lui enseigner la croyance correcte. Car commencer à enseigner par autre que le pur monothéisme d'Allah, eh bien les cœurs ne seront pas fermes dans leur relation avec Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'étonner que les gens de la communauté désobéissent à Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'il faut commencer par ce qu'a commencé l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en éduquant sur le tawhid d'Allah, le pur monothéisme d'Allah, tel que l'imam Malik rahimahullah a dit. Les derniers de cette communauté ne seront corrigés qu'avec ceux qui a corrigé les premiers. Et ce qui a corrigé les premiers de cette communauté, c'est la croyance correcte, le suivi sincère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a montré le remède après avoir montré la maladie. Votre désobéissance à Allah, et dont la pire de ces désobéissances, le fait de lui associer quoi que ce soit. Et tout ce qui découle du fait de ne pas être sur la croyance authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, qu'Allah soit satisfait de tous, ce qui en découle est le fait que les musulmans vont se diviser, vont se disputer, vont s'écarter de la voie prophétique qui est la voie de nos pieux prédécesseurs. C'est pour cela qu'il est nécessaire pour chacun d'entre nous de se remettre en question. C'est pour cela qu'il est nécessaire pour chacun d'entre nous de se remettre en question et de se demander où en sommes-nous dans notre relation avec Allah le Très-Haut. Sommes-nous sur la croyance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons? Lorsqu'il arrive une chose dans la communauté musulmane, les gens ne savent pas comment réagir. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas trouver le remède pour cette maladie-là. Celui qui ignore le remède l'ignorera, comme je dis. Et celui qui le connaît, le connaîtra et se raffermira dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc à nous de se remettre en question. Il est indispensable de cesser de perdre notre temps à se plaindre constamment. Nous sommes touchés de ce qui arrive à toute la communauté dans le monde. Mais il faut arrêter de perdre son temps à s'asseoir dans les cafés ou être dans la rue ou n'importe où, même dans les mosquées, hein, à se plaindre constamment sur les problèmes que touche la communauté musulmane dans le monde. En effet, les musulmans critiquent les gouverneurs en les traitant de lâches ou autres, critiquent ceci, critiquent cela, alors que tous ont oublié de balayer devant leurs portes. Commence donc à corriger ta relation avec Allah Azza wa Jal. Commence à comprendre ta religion. Commence à être assidu aux 5 prières dans leur temps. Commence à payer la zakat au lieu de te plaindre que tel pays ont de l'argent alors qu'ils ont plein de pauvres. Commence-toi par te réformer. Et toi, sors-tu la zakat pour aider les pauvres? Ou tu n'y penses même pas? Commence à venir à prier la prière du subh dans la mosquée. Pourquoi nous n'aurons pas tout ce monde-là à la prière du fajr, hein? Donc au lieu de rejeter la faute sur ces gouvernements, sur le monde, sur voilà, nous on est comme ça, on doit, chacun doit commencer à se remettre en question lui-même. Où j'en suis dans ma relation avec Allah Azza wa Jal? Car Allah supporte ceux qui supportent la cause d'Allah. Alladhina in makkannahum fil ard aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatu al-umur. L'issue de toute chose revient à Allah. Si vous savez que l'issue de toute chose revient à Allah, à vous d'avoir ces attributs. Hein? Ceux qui établissent les cinq prières, qui donnent la zakat, qui ordonnent le bien et interdisent le blâmable. On doit se remettre en question. Est-ce que nous avons ces attributs-là? Car Allah Azza wa Jal donnera la victoire et supportera cette communauté lorsque chacun d'entre nous corrigera sa relation avec Allah Azza wa Jal. Et non en attendant que les autres le fassent pour nous. Non, c'est à chacun d'entre nous. Si chaque musulman et musulmane se réforme sincèrement sur la droiture, alors Allah nous supportera, nous donnera la victoire. Mais sachez que tous les maux et problèmes de cette communauté sont dus au fait que les musulmans se sont écartés de la religion d'Allah et sont tombés à pratiquer du polythéisme mineur tel que l'ostentation, même parfois majeur lorsque la croyance est corrompue. Comprenons-nous notre religion? Comprenons-nous le sens de la ilaha illallah? Abu Jahl, qui est la tête de la mécréance, le pire ennemi de l'islam, savez que la ilaha illallah signifie que l'on ne doit adorer uniquement qu'Allah et qu'il est strictement interdit de faire des actes d'adoration pour autre qu'Allah et qu'il faut se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Voilà pourquoi il a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui il croyait qu'Allah c'était le créateur, mais il voulait adorer ses statues car il aimait ses statues comme il aimait Allah et il pensait se rapprocher d'Allah par le biais de ce polythéisme, le fait d'adorer ces statues-là. Lui, il comprenait la ilaha illallah. Le pire ennemi de l'islam comprenait la ilaha illallah. Alors, honte à celui dont Abu Jahl est plus savant que lui concernant le sens de la ilaha illallah. Alors qu'il fait partie de cette communauté. Et peut-être c'est même un prédicateur dans cette communauté. Et ces prédicateurs qui ne savent même pas le sens de la ilaha illallah, en disant bêtement et en répétant « il n'y a de Dieu que Dieu », ce qui veut strictement rien dire. Mes chers frères, Allah Azza wa Jal dit « فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ » Alors s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certes sur la bonne voie. Si ta croyance est comme celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, ils seront certes sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans une dissension. Donc beaucoup de gens se retrouvent dans une rive. Alors que la religion d'Allah, le Très-Haut, comme est venue avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons qui l'ont suivi, sur une autre rive. Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous pardonner nos péchés, de nous raffermir dans sa religion, de nous augmenter notre savoir religieux et de nous guider tous sur la voie prophétique, la voie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa barik lana fi ma a'tayt, tabarakta rabbana wa ta'alayt. اللهم أعين إخواننا في فلسطين اللهم أعين إخواننا في غزة اللهم أعين إخواننا في كل مكان اللهم أعين إخواننا المسلمين في بورما اللهم أعين إخواننا في سوريا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله